Peut-être j'irai trouver ses bras, la magie d'un moment simplement tendrement, enfin lui dévoiler mon amour, mon secret. Ouh, mais m'avait pas dit ça. Mon Dieu, pas qu'arriver dit ça. Vous êtes offerte par Cuisinella, des cuisines responsables fabriquées à partir de bois 100% recyclé. Nouvel espace, boulevard de Welbourg, à côté de Sebastiano. Cuisinella, la la la la. Nostalgie, il est 14h. DS Automobile vous a présenté l'heure avec la DS3, l'art du raffinement. Jalousie, c'est sa faiblesse en nous. La guerre toujours mène l'amour. Nous va pour pévasser. C'est pas d'ailleurs qui fait chimère. Petit d'ailleurs toujours qu'à pléguer. Mandeyo, pour qui ça? Pour qui ça? We'll be right back. jan la mize pran la mesite. Kade ki jan pitit ke fwèchi mè demè. Bon des étoiles, ba mwen la vie mwen peke peke la. Ba mwen la force mwen pe rive pil wè, pil wè. Love, we all love, all love. Capte-moi. nostalgie au service de l'excellence musicale. Barricade, pour moi, c'est ma chance. Mais où toujours. toujours en méfiance. Dis-moi seulement moi qu'a flashé. Mais ou toujours qu'a douté. Ça pas qu'à faire rien. Dis-moi moi en transe. Mais ou toujours en méfiance. Mais trop longtemps moi constaté que tout ça on laissé en pied. Près de toi ce soir, voisine. génération nostalgie. Nostalgie. Nostalgie. Les plus grands tubes. Some of this sweet, sweet music. It's music for happy people, better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer on in silence. Dance, soca dance, soca dance. Some of this soca beat, this Caribbean rhythm will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and gray, gather around, we'll jam it night and day. All along the beach, a party in the moonlight, with soca sounds to make the feeling of the tune. Jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line. Soca dance, soca dance. I say, take it from the bottom, take it from the top. I love the way you're moving, don't you ever stop. Coconut water will cool you down, that's the life. Tour du plus grand tube. Nostalgie. Une nouvelle tête de lit? Un canapé plus confortable? Une cuisinière plus design? Chez Galeries Delgrasse, c'est possible. Et en 18 fois sans frais. On vous propose même un crédit gratuit à taux zéro. Galeries Delgrasse, inspiré par l'excellence. De 19h à 21h, revivez l'actualité musicale de vos artistes préférés. Le soir, Nostalgie vous joue sa playlist enchaînée pendant 2 heures. Nostalgie, les plus grands tubes. Nostalgie. Quand vous entendez ça, et ça, et encore ça. I want to jam, jam. I saw my day, I vous êtes sur Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie. Les plus grands tubes. Nostalgie. Nostalgie. Moitié déshabillé, tout comme moi, j'ai qu'à trembler. Consigne au bol en plein soleil. Qu'a senti moi qu'a foncé en merveille, baby. Émotion fort. Moi, dire tout, tout. Moi, v'lé encore. Baby, nous corps. Oh oui, tout, tout. Glisser encore. Pequeni limite pour nous triper. Oh baby. La nuit qui est trop courte pour nous dé. Escale au septième ciel pour garder qui j'en la vie belle. Avant nous partir ou décoller, pour jouer l'amour bien mon perché. Le en bras moi sans parler, moi qu'à garder mon mythe entier. En cas senti moi voyager, destination plaisir caché, bébé. Émotion fort, tout, tout. Tu m'as dit oui, on est ensemble. seul ta famille a validé. Mon père est au ciel et puis ma mère tout excité. Beaucoup de gens t'aiment avoir le nombre d'invités. Je me battrai pour toi car j'ai rien fait pour te mériter. Place au futur, oublie tout d'avant. Regardez la peur qu'a créé belle maman. Je me suis fait piquer par une abeille. J'ai préparé ton sac bébé pour la. Tu m'as dit oui, tu m'as dit oui. On est mal. Si t'as accepté, bébé, je m'occupe de tout. Oh, oh. Ah, c'est qui les ziggy, ziggy, ziggy, ziggy, ziggy, ziggy, compa. Bébé, Maria, je sais Mandez mon Dieu. Génération Nostalgie, plus proche de vos désirs d'écoute. Nostalgie. Ce serait mentir de dire tu ne manques pas. Ce serait mentir de dire que ça ne me touche pas. Qu'aujourd'hui tu vas t'unir avec elle pour la vie. Il fut un temps, nous étions amants. Tu me disais qu'il te fallait du temps. Dans une seconde ce sera fini. Tu vas finalement lui dire oui. De nous il ne restera plus rien. Marche aujourd'hui vers toi pour t'aimer, t'honorer, te chérir pour la vie. Oui, ça aurait dû être moi, personne d'autre que moi. Dans une belle robe blanche, je n'ai pas cette chance. Encore était là, toujours était là. Vous êtes offerte par Cuisinella, des cuisines responsables fabriquées à partir de bois 100% recyclé. Nouvel espace, boulevard de Welbourg, à côté de Sebastiano. Cuisinella, la. Nostalgie, il est 15h. DS Automobile vous a présenté l'heure avec la DS3, l'art du raffinement. Ma baby nostalgie, ma vous c'est partagé. Envie et espérer en tout nos sentiments. Moi dire aux femmes, si ça paraît si proche pour moi, la fête est qu'elle en Paris, moi, puis elle est en moi, pour toujours. Des meurs passent sans la vie. La montée ou baisser pour sa machine. Allez tout droit, tout vent. Pas baisser, boire. Pour vous guimber. Un jour, qu'il vous pense. Qu'il vous pense. Tube. essaye de protéger. On a mouru très sage. Nous pas vivre chérie ou sage. Quand des oiseaux en cage. L'amour nous déye contre l'ombre. Avec plein gommé. Veillez-moi mon adorgéré, chéri doudou cocotte l'amour, on peut protéger nous. Veillez-moi mon la mauvais, veillez-moi mon adorgéré, chéri doudou cocotte l'amour, on peut protéger nous. Au sentiment de la jaloux, même au bobo qui mal pensé, y'a toujours pareil à détruire, au ménage qui sortit construit. Tout le monde savait que jalousie, c'est famille associée. Y'a toujours besoin de sa beauté, on bitait. Jalousie, yeah, yeah, yeah. Jalousie tropicale. Jalousie, yeah, yeah, yeah. Jalousie, yeah, yeah, yeah. Jalousie tropicale. Jalousie, yeah, yeah, yeah. Dernier couplet pour moi pétir. De tout à nous résister. Tout ça qui pour nous positif. Pour y'aura ni négatif. Nous c'est des mondes qui sont très actifs. Faut pas nous transformer passif. Laissez-y faire tout ça y ouvrir. L'amour nous pégue de même. Les démons aimés, plus grand poisson pour yo. C'est parole inutile. En bas d'imbécile, les démons aimés, les grands poisons couillots, ces paroles inutiles, en bas d'imbécile. On sentit-nous trop jaloux, on sentit-nous trop méchants. Gold que vous aimez est dans Génération Nostalgie. Amour, azúcar y césar está. Retour du plus grand tube. Nostalgie. Nostalgie. On veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est de se sentir bien chez soi. Et oui, le mieux, c'est quand tout est bien, mais en mieux. Ne cherchez plus le mieux, c'est Cuisinella. Rendez-vous vite en magasin ou sur www.ma.cuisinella. Jusqu'à 1500 euros TTC d'avantage hors pause, livraison sanitaire et électroménager, voire conditions en magasin participant. Nouvel espace, boulevard de Welbourg, à côté de Sebastiano. Cuisinella, la la la la. Nostalgie. Nostalgie. Je vous aime, vous. Je l'avoue. J'aimerais tant pouvoir vous lire ce que mon cœur veut dire. Vous l'exprimer dans cette chanson. Dites-moi que j'ai raison. Je vous aime, vous. J'aime vous l'aimer. Danser seulement, oui. vini danser. Pas même ni temps ou bien parler. Ou qui sait pas dire, gade moi mon mal levé. Ou t'es obligé parti, pas ni travail ici. Moi la qu'à réfléchir, dis-moi si c'est chance moi pas ni. Au service de l'excellence musicale. Nostalgie. Nostalgie. Les plus grands tubes. Heures, Nostalgie vous fait vibrer. Retrouvez tous vos plus beaux tubes love pendant 2 heures. Installez-vous et laissez-vous emporter par ces mélodies envoûtantes sur votre radio Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie. Ooh, yeah. Nostalgie. Nostalgie. C'est ça. Et ça. Et encore ça. Nostalgie. Nostalgie. les plus grands tubes. Nostalgie. Nostalgie. Nostalgie.